chapitre 4e, où l'on évoque une vieille histoire. Le père de Bianca avait attendu les deux policiers toute la matinée avec la plus vive impatience, s'étonnant même de ce retard qui n'arrivait pas à s'expliquer. Aussi poussa-t-il un véritable soupir de soulagement quand il vit enfin Ned Bjork et Romain Farrell se présenter à la grille du jardin. Il avait prévenu le concierge que deux personnes viendraient le voir, donnant les ordres nécessaires pour qu'on les introduisît auprès de lui dès leur arrivée. Durant tout le repas, il n'avait rien laissé percer devant Bianca des soucis qui hantaient son esprit et s'était retiré dans sa bibliothèque qui lui servait aussi de cabinet de travail. « Vous voilà donc enfin, » fit-il, en priant ses visiteurs de s'asseoir. « Je ne saurais vous dire combien il me tardait de vous revoir. J'en arrivais à me demander si vous n'aviez pas renoncé à vous occuper de cette affaire qui me met littéralement la mort dans l'âme. « C'est bien peu nous connaître, monsieur le comte, » déclara Ned Bjork avec un hochement de tête. « Si telle avait été mon intention, je vous aurais certainement dit hier que je ne voulais me mêler de rien. Vous devez bien comprendre que nous ne pouvions nous engager à la légère dans une affaire qui s'annonce comme assez étrange sous plus d'un rapport. Romain et moi, nous avions besoin de nous consulter sur la marche à suivre et nous communiquer les impressions que toutes vos indications avaient fait naître en notre esprit. Très juste, dut reconnaître Paolo da San Gallo. Tout à fait juste. Excusez donc mon anxiété. Qui est toute naturelle, nous le comprenons bien. Malgré tous les détails dans lesquels vous êtes entré hier, il existe néanmoins certains points encore obscurs, expliqua Ned Bjork sans autre préambule. C'est fort possible, convint le comte, et je suis tout prêt à vous donner les éclaircissements utiles. Il est absolument nécessaire, en effet, que vous soyez au courant de tout, et je me mets entièrement à votre disposition pour cela. Mon Dieu, voici, commença le détective américain en consultant quelques notes griffonnées sur un calepin de cuir rouge qu'il venait de sortir de l'une de ses poches. Revenons un peu, si vous le voulez bien, sur la fameuse coupe en verre de Venise, oui? Ne nous avez-vous pas dit qu'en dehors de l'accident que vous craignez, à tort ou à raison, de voir se produire, si l'on ajoute foi à la légende, vous redoutiez aussi la possibilité d'un vol, qui en faisant disparaître ce souvenir de famille, pourrait être cause pour vous des plus grands malheurs, toujours selon la tradition? En effet, car les résultats seraient les mêmes en ce qui concerne ma fille Bianca. Je vous avoue bien sincèrement que pour ma part, je n'ajoute qu'une croyance très relative à toute cette histoire. Mais la prédiction telle qu'elle nous a été transmise de génération en génération mentionne que le malheur qui menace la fille aînée des Martini da San Gallo le jour de sa majorité se produirait aussi bien si la coupe venait à disparaître qu'à se briser. Or, à la faveur de la grande fête que je donne ici, ainsi que je vous l'ai dit dans une huitaine, d'un droit filou, comme il en est temps aujourd'hui, vous le savez mieux encore que moi, pourrait profiter de l'occasion pour se glisser parmi la foule des invités et faire un beau coup. Ce joyau est-il donc de telle valeur, interrogea Farrell, que les voleurs pourraient espérer en retirer un bon prix? Comme relique historique, il est inestimable, sans compter que son travail toureux haussé d'or, finement ciselé, contribue beaucoup à en faire un objet de grande valeur. Vous concevez bien que ceux qui auraient fait le coup n'auraient point de peine, monsieur Farrell, à trouver acquéreur parmi les grands amateurs du pays de monsieur Bjork, qui ne regarde pas de si près quand il s'agit d'ajouter une belle pièce à leur collection. Est-ce vrai? Je n'en disconviens pas, répliqua le détective en souriant. Mais vous ne devez pas ignorer non plus, monsieur le comte, que ceux qui se risquent à commettre de pareils vols ne sont pas forcément des professionnels, grimés en gens de monde. Je ne veux même pas parler des kleptomanes qui sont des malades. On a l'exemple de personnes de la meilleure société qui, dans un moment d'aberration, succombant à une tentation irrésistible, quand ce n'est pas poussé par un vil mobile, se laissent aller à faire disparaître un objet de prix, sans se préoccuper des suites de leur acte ou des suspicions qu'il peut faire naître à l'endroit d'innocents domestiques. Aussi, quand des fêtes ou des réceptions ont lieu où la foule des invités, par trop nombreuse, nécessite une discrète surveillance de la police, est-il d'usage de communiquer au service de la sûreté la liste de ses invités? Tiens, je ne savais pas cela, déclara le père de Bianca tout étonné. Si fait, continua Bjork, il peut en effet se trouver parmi eux certaines personnes secrètement connues de la police, pour n'être pas d'une scrupuleuse honnêteté, et celles-là sont tenues en vigilante observation par des inspecteurs en civil dissimulés, au hasard de la cohue, dans les salons, suivant les instructions du chef de la sûreté. De telle sorte, monsieur le comte, fit encore le détective en souriant avec malice, que je vous serais reconnaissant de vouloir bien me laisser jeter un coup d'œil, à moi aussi, sur la liste que vous avez dressée de vos invités. Rien de plus facile, répliqua Paolo da San Gallo, et vous allez être tout de suite renseigné, car la liste est déjà prête. La voici d'ailleurs, ajouta-t-il en tendant à l'Américain un papier qu'il venait de prendre dans le tiroir d'un secrétaire. Ned Bjork prit connaissance de la pièce, lisant attentivement les noms dont la plupart lui étaient connus. Soudain il s'arrêta, frappé par l'un d'eux qu'il désigna du doigt au comte en disant « Daniello Salviati, le compositeur, sans doute ?» Le père de Bianca eut un moment d'hésitation. Ses sourcils s'étaient brusquement froncés, et son regard, avant de répondre, se détournait légèrement de celui du détective à qui le changement survenu dans les traits de son interlocuteur n'avait pas plus échappé qu'à Romain Farrel. « Oui, fit-il brusquement, c'est le célèbre compositeur, l'auteur de la partition de Cynthia et d'autres œuvres de choix qui ont connu le succès au théâtre. Mais vous le connaissez donc aussi ?»« Pas personnellement, de nom et de vue seulement, » répliqua le détective, que le trouble passager du comte ne manquait pas d'intriguer sans qu'il voulût pourtant en laisser rien paraître. Sa réputation de grand musicien d'ailleurs, et ce fameux ballet de Cynthia justement, ont fait de lui une personnalité parisienne qu'il ne me serait pas permis d'ignorer, si ce nom ne s'était pas fixé dans ma mémoire pour une toute autre raison. « Laquelle donc ?» interrogea Paolo da San Gallo avec un léger mouvement d'humeur qu'il ne put réprimer. « Oh mon Dieu, cette affaire de métier, monsieur le comte. Salviati, il y a quelques années, en Italie, a joué un rôle plutôt mystérieux dans une affaire criminelle qui a eu un assez grand retentissement par-delà les Alpes. « Oui, je sais, » répliqua le père de Bianca, visiblement gêné. Ce sombre drame où sa maîtresse, la Zamboni, une danseuse réputée en Italie, a trouvé la mort sans qu'il fût possible de découvrir le coupable. C'est cela même. Son amant, accusé du crime et soupçonné de l'avoir commis pour faire main basse sur ses bijoux, qui représentaient une grosse fortune, a même été détenu pendant un assez long temps en prison à ce sujet. Je vois que les affaires criminelles de tous les pays vous sont familières, murmura San Gallo, dont les traits s'étaient couverts d'un voile de tristesse empreint d'un peu d'amertume. Ma profession me force à me tenir au courant de ce qui se passe dans le monde entier, et j'estime que c'est là le devoir de tout bon policier. Vous ne devez pas ignorer alors qu'il y a eu non-lieu. Salviati, au bout de longs mois de détention préventive, a dû être remis en liberté, faute de preuves contre lui. Oui, évidemment. On n'a d'ailleurs jamais retrouvé aucun des bijoux volés. Un témoin du reste, qui aurait pu peut-être donner quelques renseignements intéressants, l'habilleuse de la Zamboni, une Française déjà d'un certain âge, a subitement disparu sans qu'il fût possible de découvrir ses traces. Mais il est un fait aussi assez troublant sur lequel j'appelle votre attention. « Quoi donc ?» interrogea le comte. « Notre célèbre compositeur d'aujourd'hui n'était à l'époque du drame qu'un pauvre croque-note à qui la fortune et le succès n'avaient guère souri. On assure même que la Zamboni, enrichie par les faveurs qu'elle accordait à de riches adorateurs, l'avait souvent aidé, pécuniairement parlant. Oh, dans le monde du théâtre, la chose n'est pas rare, et la morale y est si élastique, grâce à une mentalité très particulière. En tout cas, si le fait est exact, la justice, dans ses recherches, n'a jamais pu découvrir trace de somme prêtée par la Zamboni à mon parent. Votre parent ? S'écria Ned Bjork, qui, malgré tout son flegme anglo-saxon, ne laissa pas de paraître embarrassé. Daniello Salviati est votre parent. Je ne me serais pas permis de vous rappeler tous ces pénibles souvenirs, monsieur le comte, si j'avais pu me douter. Oh ! Vous ne devez pas vous excuser, mon cher ami. Tout ce dont vous m'avez parlé est de notoriété publique et a largement défrayé chez nous la chronique scandaleuse et judiciaire pendant bon nombre de mois. Néanmoins, Salviati étant sorti blanc comme neige de cette mystérieuse affaire, nul ne saurait à l'heure présente lui tenir rigueur d'une accusation que la justice italienne elle-même a reconnue fausse de tout point. Il serait injuste, vous m'avouerez, de vouloir se montrer plus royaliste que le roi. En tournant le dos à cet homme que des soupçons seuls ont pu effleurer. En eussé-je même eu l'intention que la chose m'eût été bien difficile pour des raisons de famille qui me sont toutes personnelles. En effet, si Daniello Salviati est de vos proches parents, mon propre cousin, du côté maternel. Mais là n'est pas la seule raison de ma conduite correcte à son égard. Il y a encore une question de tact. Une sœur de mon père, Andrea Marini da San Gallio, morte très riche, très âgée, toujours demeurée vieille fille, a laissé toute sa fortune à ma fille Bianca, qui en deviendra bénéficiaire aussitôt ses 21 ans révolus. Si toutefois elle n'atteignait pas cet âge, c'est à mon cousin Daniel que toute sa fortune reviendrait. Ce sont là des dispositions testamentaires assez bizarres, mais sur lesquelles il n'y a pas à revenir. Bien bizarre, en effet, convint Ned Bjork, qui avait tout écouté en silence, sans qu'un muscle de son visage ait bronché. Ses yeux seulement s'étaient imperceptiblement tournés vers Farrell et se fixaient sur les siens avec une insistance qui devait échapper au comte. Ce regard, que Romain vit aussitôt, voulait dire « Avez-vous bien entendu ? Je crois que cette fois nous venons d'être mis sur la bonne piste. » Un clignement des yeux du jeune policier vint assurer le détective que son ami avait compris et partageait son opinion. « Je conçois aisément, reprit-il aussitôt, que dans ces conditions, et eu égard à cette étrange clause testamentaire, votre situation soit fort délicate à l'endroit de Daniele Salviati. Les simples convenances et une question de tact, comme vous le dites fort bien, vous empêchaient de cesser vos relations avec lui. Et il vient sans doute fréquemment vous rendre visite, je suppose. Fréquemment n'est pas le mot. Mais enfin, il vient ici de temps à autre et se montre même d'une grande amabilité pour nous. Pour Bianca surtout, qui, très bonne musicienne, goûte beaucoup, je dois le dire, la musique de notre parent. Fort belle, ma foi. Oui, je sais, répondit Bjork évasivement. C'est un compositeur de grand talent, m'a-t-on laissé entendre. Salviati a été à ce point sensible à ce penchant de ma fille pour sa musique, qu'il lui réserve même, à l'occasion de notre fête, une surprise dont il m'a fait part en me recommandant de lui garder le secret. Une surprise ? Questionnèrent à la fois les deux policiers. Oui, il a composé pour l'occasion une cavatine qu'il fera exécuter par un orchestre choisi avec soin par lui et qu'il compte diriger lui-même. Quelle fantaisie! Une gracieuseté, en tout cas, à l'adresse de ma fille, dont je dois lui savoir gré, vous en conviendrez. Oui, oui, répondit indifféremment Ned Bjork. Mais presque aussitôt il ajouta, sans paraître y attacher d'importance. Allons! Je vois que vous mettez en pratique le vieux dicton « à tout péché et miséricorde » et vous ne tenez plus rigueur du passé à Daniele Salviati, qu'il est rentré dans vos bonnes grâces. « Qui vous dit cela ?» interrompit le comte avec un geste d'impatience.